Una, un amour philosophal. La rencontre. En juillet dernier, cette femme m'a rendu visite à Arglavara. C'était la troisième fois que je la rencontrais, et jusqu'alors, elle n'avait représenté dans ma vie qu'un petit détail gris, laissant percer, il est vrai, une espèce de phosphorescence. Une musique, peut-être. Un chant jamais entendu. Dans l'intervalle des rencontres, elle m'avait écrit quelques lettres, assez banales, mais d'un style résolument épistolaire qui m'avait surpris agréablement. Je ne m'imaginais pas que parmi les successeurs absolument indéchiffrables des énigmes 68ardes, il pût s'en trouver un seul qui prît anachroniquement son pied en sacrifiant à la convention. Et puis, il y avait l'écriture, adulte, l'orthographe parfaite, le phrasé clair, en dépit de l'absence du point-virgule, la netteté des énoncés, et bien sûr, la petite musique. La lecture de la deuxième lettre de Una m'avait, dès ses premières lignes, fait entrer en érection. Je mentirais en disant que j'avais purement et simplement oublié cette densité semée d'étoiles qui naît entre les cuisses masculines, qui éclate doucement. Disons que, de ce côté-là, comme dans bien d'autres directions, j'étais devenu étrangement distrait. C'est en bataillant pour ouvrir l'enveloppe contenant la lettre suivante de Una que mon sexe avait commencé à durcir. J'ai 60 ans. Je suis l'époux d'une femme de qui j'ai fait, dès les premiers temps de notre union, l'axe de mon existence. Depuis près de 4 décennies, je veille avec passion sur ce dispositif, ne cessant de le consolider, de l'affirmer, de le faire étinceler. Comme d'autres prient, j'ai amalgamé au prénom axial et sacré de mon épouse chacun des 4 enfants qu'elle m'a donnés. Lorsque nos filles et nos fils sont à leur tour procréés, les nouveaux venus ont rejoint leurs parents dans la splendeur du prénom. L'on m'objectera qu'un amour tel que celui-là ne se décide, ni ne se fabrique. Seule l'action de l'entretenir pourrait, à la rigueur, échapper à la hideur conventionnelle de l'artifice. L'amour est un phénomène naturel, l'amour est un élan. C'est sûrement vrai. Dans l'état de nature. Mais quand il n'est plus de nature, ni d'état, ni de phénomène, quand ce qu'on nomme de ces mots a été infirmé, traversé comme un cerceau de papier, que faire si le goût de feindre n'est pas là, si le cynisme fait défaut? Que faire si ce n'est décidé d'aimer? Quel autre cri d'amour l'homme sans nature et paradoxalement établi par cette carence dans la plénitude brûlante de son humanité pourrait-il lancer ici-bas vers l'autre? Et pourquoi opposer spontanéité et volonté comme innocence et calcul? Pourquoi les fruits de la volonté ne seraient-ils pas ingénus, goûtus? De toute façon, telle est la consistance générale du bilan que je puis dresser. Telle est ma condition. Et le destin, auquel je n'avais jamais cru, fit qu'au début d'un été comme les autres, un nouveau prénom féminin, agile, léger, compact également, se posa soudain, telle une libellule bleue, en plein milieu du prénom sacré de mon épouse, en plein milieu de la grande prière des miens. Una. Matin du premier jour. Una occupe la chambre K, initiale du diminutif de notre Benjamin, située au premier étage de la grande maison familiale d'Arglavara. Peut-être est-ce la plus charmante, la plus poétiquement désuète de toutes celles qu'avec la bénédiction de la DRA de l'île d'Erta, nous louons aux vacanciers de passage que nous sommes convenus d'appeler « hôtes », comme toutes les pièces de la Casa Sima, du grand salon au water closet du second étage, elle prend vue sur la forêt domaniale, si proche que troncs et bruyères géantes ressemble à une sommation. Dès son arrivée, vers 11 heures du matin, épouses, enfants et petits-enfants des deux sexes ont été saisis d'une nervosité bizarre. Il m'a semblé que des poches d'anxiété, d'inquiétude s'installaient un peu partout dans la maison. Il n'a pas fallu plus d'un quart d'heure pour que Una devienne l'intruse. Je dois poursuivre ma confession. Je suis une âme heureuse. Ce qui veut dire simplement, je suis une âme. Bien que mes traits, par pure méchanceté, n'en laissent rien filtrer, le fond de moi-même est, à tout moment, aussi fluide et transparent que l'eau des torrents d'ici, et sans plus d'aspérité, creuse ou bosse, que les galets qu'ils polissent. Cela dure depuis très très longtemps, ne me reconnaissant qu'en ce fond, qui me fait la grâce de ne se reconnaître qu'en moi. Je serais vraiment malvenu de me plaindre. De plus, il faut le savoir, l'âme d'un homme est la terre d'élection des anges et des fées. J'en vois partout. Je n'ai pas la moindre idée de la sorte de perception dont il s'agit, mais il faut bien un nom pour ce ruissellement multiple, incessant, et cela en valent bien d'autres. La grande distraction où je suis tombé n'a pas d'autre cause que ceci. Aussitôt, après avoir accueilli Una et l'avoir embrassée sur les deux joues, j'ai réalisé que, vraisemblablement, j'étais mort depuis une vingtaine d'années sans que cela m'affecte, sans que cela même m'apparaisse, tant j'étais pris déjà par le commerce de mon âme et par la fréquentation de la gent angélique ou féerique. 20 années ou beaucoup plus. La dernière fois que j'avais fréquenté, non pas chez l'inhumaine félicité de la matière faite essaim, légion de points vibrants, non pas chez l'infarctus exquis de la vision d'un ange, non pas chez la pureté, sublime maîtresse des valeurs paradisiaques, mais chez la banale gaieté. Cela remontait à quand? En profonde adhésion avec moi-même, et peut-être en pleine lucidité, j'ai pris la mesure que m'imposait ma loyauté à l'endroit de la vie. Sans rien renier, sans me détourner aucunement des fruits somptueux et naturels, que ma volonté de jadis, venue elle aussi comme une bourrasque, avait engendré, j'ai sans ménagement, d'un seul coup sec, cassé le système. Je suis tombé éperdument amoureux de Una. Après-midi du premier jour, 12h30. J'espérais bien que ma femme ferait déjeuner dans le grand salon, avec les hôtes payants, celle qui déjà était devenue sa rivale. Ce n'était pas déraisonnable de ma part, puisque j'ignorais encore que le surlendemain, j'offrirais très officiellement à Una la gratuité de l'hébergement et de la table. Preuve qu'on ne retrouve pas aisément les réflexes, même élémentaires, nécessaires à la survie dans la dimension improbable des relations interhumaines. Hélas, ça ne s'est pas passé ainsi. Una est plus jeune que le plus jeune de nos enfants, et tous l'ont connue bien avant que l'idée lui vienne de monter de la plaine, vérifier si j'étais conforme à mon image d'éveillée ordinaire et gentleman. Elle a été d'abord leur copine. Mon impression est qu'ils ne l'aiment guère. Cependant, c'est une copine. Et, résurgence à mes yeux ambiguës de la forme sociale convenue, il faut la bien traiter, l'embrasser 3 fois, lui proposer un coca et la faire déjeuner à la table familiale. À la Casa Sima, l'absence d'affectation est réelle. Ce n'est ni en toute simplicité, ni sans manière, que nous prenons nos repas dans la cuisine. Nous mangeons dans la cuisine, c'est tout. Le malaise créé par la présence de Una va se couler immédiatement dans le stéréotype du repas simple et cordial. Autre sensation perdue, dont la crudité me donne presque le vertige, la gêne. Aujourd'hui, j'aurais été gai et gêné. J'écoute ces deux musiques avec émerveillement. De quel angélisme participe cet exotisme? Ne balise-t-il pas l'approche de cette civilisation mystique que je croyais disparue à jamais, mon corps? Au début de ma vie, elle fut mienne, hélas, l'ayant ensevelie comme le fait tout un chacun sous la chape morne d'un savoir acquis ou inné, je la tins pour un ancrage sauvage et profane. L'ange corporel est l'ami de l'âme. L'ennemi mortel de celle-ci est la géométrie hallucinatoire du volume et de la surface, selon laquelle poitrail et dos, par exemple, occupent deux faces opposées d'une forme tridimensionnelle close et qui va jusqu'à prétendre que corps enveloppe contient quelque chose. En l'espèce, l'enchevêtrement d'une prétendue objectivité et d'une prétendue subjectivité, de prétendue chair et de prétendue sensation, magma irrévocable où se terrerait, tel un astre déchu, une prétendue âme humaine. Je veux bien de l'ange. J'accueille avec ivresse la gaieté et la gêne. Je salue du fond du cœur l'érection pleine d'étoiles. Je ne permettrai pas à l'étendue paradisiaque dont je suis une région de se pervertir, de céder à sa grande tentation mécaniste, de délirer. Après-midi du premier jour, 14 heures. Je suis en train de répondre à une question que ne m'a pas posée l'une de mes grandes amies, de mon âge, celle-là. C'est ainsi que ça se passe dans l'immense majorité des cas. Quand rencontrerai-je un être dormant, avec assez de fougue, avec assez de pénétration, pour se concentrer entièrement dans la flèche d'une question rêve qu'il me suffira alors de briser? L'étrange conversation se déroule dans le salon écossais. Una y assiste, installée méticuleusement dans un fauteuil qu'elle surdimensionne. Ses pieds atteignent tout juste le sol moqueté. L'un d'eux en gifle rythmiquement la surface de la pointe. Manifestation de nervosité, d'ennui ou simple tic, ce battement trouble par sa détermination presque virile. Surtout, il impose à la conscience avec une force extraordinaire l'arrière-plan psychique duquel il procède directement. Me voici, sidéré et ébloui, face à la première des caractéristiques essentielles de cette jeune femme, la puissance et la clarté, incomparables, inconcevables, de son langage implicite. Una a des mains fluides, des mains d'enfant de 10 ans. Sans qu'elle en ait conscience, son pied gauche continue à marteler impudiquement, pour ma gouverne, le plus personnel de ses secrets, qu'elle-même ne connaît pas. Una par-dessous ses propres apparences internes, Una telle qu'au fond des abysses de son esprit féminin. Un soleil tracé au compas se reflétant dans la houle d'un océan opaque. Les pieds de Una fascinent, ce sont les extrémités ciselées d'un bébé. Depuis longtemps, ma vieille amie a compris que mes paroles ne s'adressent plus à elle. Cachée dans le hall, derrière l'un des battants, mi-fermée de la porte, desservant le salon, la femme que je porte en filigrane, celle qui est ma femme non moins décisivement que ma mère fut ma mère, va, elle, beaucoup plus loin. Elle pense « De toute sa vie, il ne s'est jamais intéressé qu'à cette femme. » 7e jour. Lettre à Una. Chaque fois que je me retrouve en ta présence, c'est un choc. Tu étais passé derrière un nuage, et j'avais un peu oublié ton éclat. Je suis un homme très entier. Je ne connais ni l'instabilité, ni la tiédeur. Je t'aime et ne varierai plus. Je tourne désormais autour de deux soleils humains. Ça paraît très dangereux. Après-midi du premier jour, 15 heures. Je tiens à le redire, je n'ai pas subi, je n'ai pas laissé faire. Una, c'est la vérité, s'est engagée d'elle-même dans une spirale descendante la conduisant inexorablement au cœur du lien m'unissant au mien, c'est-à-dire au cœur du dispositif d'amour à partir duquel j'ai pu, jadis, répondre à la stratégique mais incontournable nécessité de féeriser, spiritualiser la dimension temporelle, d'obtenir sa rédemption. Mais le vol de Una ne s'est pas conclu pour une raison d'inertie ni de pesanteur. Juste avant qu'elle se pose, ma main à moi, a jailli, la happant par ses ailes. Qu'elle fût celle de l'innocence ou de la perfection calculatrice, je m'en fichais bien. Puis la plaquant sèchement, presque méchamment, contre la seule raison humaine que j'ai de vivre, qui se trouve être également, comme je viens de l'expliquer, la brèche par laquelle le monde céleste ne cesse de se déverser sur mon parcours humain, coloriant le mauvais comme le bon. Je suis certain que ce n'est pas la fille que j'ai voulu tuer. Je n'imagine pas que ce puisse être mon épouse adorée, nos enfants, non plus que le monde céleste, non plus que moi, insignifiance des insignifiances, vermisseau des vermisseaux, mais aussi intangibilité des intangibilités, esprit de l'esprit, et centre aussi bien que ressort unique du ciel. J'ai expliqué précédemment que j'avais tué un système. C'est probablement vrai. Tout de même, cela ressemble à un suicide. Je me trouve seul avec Una, dehors, sous la maison criblée de fenêtres. Si c'est moi que j'ai tué, en tant que Cal, qu'imperceptible dérive idéologique de mon être vrai, ou qu'usure, que contingence psychologique moribonde, j'ai bien fait. Mon métier est d'être vivant, et j'y excelle. Je siffle, et tout l'arc-en-ciel vital accourt. Je n'ai même plus besoin de siffler. À force de bien appeler, j'ai subjugué l'appel qui retentit tout seul. Ce n'est donc pas de vivre que depuis des âges je me languis, mais de me divertir et de rêver. Le sang s'est remis à rougir sous ma peau, et c'est ça le divertissement suprême. De part et d'autre d'une table de jardin ronde, Una et moi bavardons. Je suis incapable de parler d'autre chose que de cette chose. C'est une infirmité que ce que j'aime prenne pour de la mégalomanie ou de l'indifférence, essentiellement pour de l'indifférence. Sur ce dernier point, en tirant le propos quelque peu par les cheveux, on pourrait invoquer le malentendu entre eux et le mari, le père. Absolue est bien mon indifférence, mais elle cible uniquement le discours qui les offense tant, son authentique compétence, ses pertinences qu'il est aujourd'hui à même de ciseler, car à mes yeux la seule pâleur de l'être, son point d'indignité, est la pertinence philosophique qui prétend se substituer à lui. Clairement, cette déclaration de foi, ultime et parfaite pertinence, ne peut que s'autodétruire elle-même. Et là, Dieu, oui, Dieu, commence. Ce sont toutes ces gracieuses remarques, tous ces coquillages et tous ces bouts de verre roulés, plus l'aveu stupéfait de ma passion, plus le diadème de fines perles de sueur que le beau temps incandescent pose sur le front de ma maman et qui réitère si puissamment la nouvelle que le monde est infini et amusant, plus l'angélique saveur des larmes et du rire que je verse à plein seau dans les grands yeux noirs, au regard noyé de myopie, de Una. Peut-être a-t-elle couché avec mes deux fils. La rumeur veut que cette hydraulicienne aux diplômes universitaires impressionnants se soit jetée à la tête de tout ce que l'ERTA comprend de marginaux du sexe masculin. La rumeur n'est vraiment pas tendre avec elle. Insistant sur le caractère pervers de l'entreprise de séduction, nombreux seraient les couples qu'elle a tenté de briser. Peut-être Una s'est-elle offerte à mes fils qui n'ont pas voulu d'elle. Ses yeux sont très noirs, très grands, la ligne soyeuse qui les délimite à une pureté asiatique, leur légère proéminence confère aux paupières bleutées qui les surmontent un galbe qui donne le vertige. C'est, on en conviendra, une bonne, une excellente raison pour oublier la réputation faite à Una. Je ne l'oublie pas, je n'ai pas besoin de l'oublier. La partie pour moi se joue dans un tout autre plan. Une réputation est fondée ou non, vraie ou fausse, et se révère à des faits. Je me débrouille fort bien dans la dimension véridique, factuelle. Je m'y montre performant même, pertinent. Je la tiens pour entièrement illusoire. C'est elle qui vous emplit la tête le matin quand on émerge du rêve. C'est elle que chacun nomme « mon esprit », en opposant vertueusement le phénomène famélique de cette subjectivité à celui d'une objectivité extérieure, nantie et toujours prête à mordre. C'est elle l'état vigilant, triomphateur, amer de l'état d'illusion. Et c'est une illusion. Et je n'y crois pas. Je ne m'intéresse pas à la réputation de Una, disons-le avec simplicité et force, je m'en fous, parce qu'il n'est pas une parcelle de mon intangible, insituable réalité qui soit engagée sérieusement, jamais, dans la fable, où seul peut apparaître un tel objet d'inquiétude, complété de son corollaire, un sujet s'inquiétant. Donc, je devrais non moins sublimement ignorer Una, ses charmes incontestablement typés, le modelé de sa paupière supérieure, je devrais, en toutes circonstances, me montrer indifférent. Décidément, ils n'ont rien compris. Pour moi, le chant de la sirène, la dangereuse dérision, est l'injonction de la puissance concluante, l'aboiement des vérités, le prêche sentencieux des faits. Toutes ces sonorités sont réductibles à donc. Et c'est précisément de cette vanité dont je me fous. Una, à l'instant, vient de commettre un impair qui confirme tout le mal qu'on peut penser d'elle. Elle a répondu plutôt un thé à mon épouse, qui avait traversé tout le jardin pour lui proposer un café. J'ai noté que le front des deux femmes était à la racine des cheveux délicatement emperlés de sueur. Après-midi du premier jour, 16 heures. Infiniment attentif à l'individuel, je ne manque jamais de le porter à mon oreille comme l'un de ces gros coquillages nacrés où l'on entend le bruit de la mer. Et à chaque fois, je perçois distinctement l'océan aux rumeurs de l'universel. Le ressac archétypal, le son harmonique est, ô mystère, parfaitement individualisé. Ô miracle, l'harmonique, ici, crée le son fondamental. Chérie, je voudrais que tu te pénètres de l'extrême finesse, de l'extrême délicatesse des relations unissant l'individuel et l'universel, que tes a priori et ta logique sommaire finissent par exténuer. Usure plus que dommageable, puisque le mécanisme fragile qu'elle menace de détruire est ni plus ni moins que la vie qui sourd en toi. Nous sommes tous d'exécrables philosophes, à peine moins mauvais et moins actifs que l'âne batté faisant profession de mépriser cette forme de réflexion. Ceci est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tous des cancres existentiels. Aujourd'hui, retiens qu'il n'y a pas à choisir entre ces termes, ni à mettre l'un au-dessus de l'autre. Quant au secret de leur dialectique, ne perds pas trop de temps à essayer de le décortiquer. Écoute-le. Au fait, chérie, qui es-tu? Je descends le sentier menant au torrent en flirtant avec une femme qui n'est pas la mienne, ce qui ne m'est pas arrivé depuis 40 ans. La femme est eurasienne, elle ressemble à un Modigliani. La référence à Modigliani tout à l'heure l'a laissée interdite. Couverte de maîtrise, de doctorat peut-être, elle manifeste une absence de culture immense, impériale, qui laisse la mienne ébahie, admirative. Elle n'aime pas les vieux livres, dont elle parle comme de bouquins, parce qu'ils sentent mauvais. Elle dit tout le temps « C'est fou ça, non ?» À propos de banalités qui semblent exemplaires. Elle a un quart de sang malgache, ce qui ne peut que faire d'elle une euro-afro-asiate, native de Carcès. Ses imprévisibles coups de scalpel analytique ont un léger accent méridional. Elle a 28 ans et l'air d'en avoir 18. C'est une créature de science-fiction que j'emmène se baigner. C'est à une créature de science-fiction que je fais une cour effrénée, et pour le moment du moins totalement muette. J'ai pris 1000 fois ce chemin, je le reconnais, ce qui me permet d'y diriger mes pas, et ceux de ma compagne avec toute l'efficacité nécessaire. Mais pas plus que les paysages qui le bordent, il ne m'est, si peu que ce soit, familier. Je suis un cas de rémission spontanée et définitive de cette maladie de la perception qui use inexorablement, souvent si vite que le patient ignore qu'elle l'a frappé, la nouveauté du décor terrestre. Je peux donc écrire que je progresse, intelligemment, de concert avec la femme atypique, dans un monde par essence inconnu, et dont chaque singularité est la voie de l'universel. Le fond de moi accueille Una comme une évidence. Je ne crois pas qu'il ait même noté un changement. Une différence. C'est fou tout ça, non ? 8e jour. Lettre à Una. L'air incroyablement jeune, tu nageais méticuleusement dans l'améthyste sans bord des origines. Je suis un être de lisière. Je me situe exactement entre amnésie et mémoire. Quand je veux me souvenir de tout, j'oublie tout. Au-dessus de ta lèvre supérieure, la nacre d'une petite tache de salive. J'ai tout oublié et me suis souvenu de tout, de toi, lune ou brûlure, intemporelle, anonyme. C'était juste avant que tu me dises « je vais faire pipi ». Mot qui avait instantanément teint la mer en violet intense. Tu vas m'objecter que tu n'aimes pas la couleur violette, et j'en augure une grande fatigue. Après-midi du premier jour, 16h15. Une vasque d'eau effervescente et cristalline. Le beau temps incandescent a posé sur le front de la femme un diadème de buée. Qui es-tu, chérie ? Elle se déshabille avec une grande économie de mouvement, 3 ou 4 gestes précis, savants, pas plus. En fait, elle n'ôte pas des vêtements. Elle est dans sa phase de métamorphose. Elle se débarrasse efficacement d'apparence, devenue caduque, obéissant à l'instinct. Elle en dispose les lambeaux à ses pieds, en un minuscule et parfait parallélépipède. Je suis amoureux. Elle porte l'un de ces maillots de bain qu'on appelle avec un pragmatisme brutal répondant à l'impasse logique, seins nus. Son slip est noir et chaste, c'est-à-dire sans échancrure. Se rend-elle compte que les frémissements, les marges de son comportement sont pour moi une fenêtre grande ouverte sur son être psychique ? À une imperceptible et éphémère ankylose de son maintien, je devine que ce n'est pas innocemment qu'elle se présente à mon regard à moitié nue. Les pointes de ses jolis seins sont mauves, couleur d'orage. Elle a une peau lisse et ocrée. Ses épaules graciles me semblent avoir la délicatesse d'une feuille. La taille est marquée, le bassin très rond, un bassin de femme, les fesses musclées et charnues. Détail qui déjà me fascine, ses pieds, aux doigts minuscules et bagués, avant de rejoindre une ossature faite à leur image, s'épanouissent en une cheville forte, une cheville de montagnarde. coquetterie ou hasard. Ces deux ébauches de pilastres, sitôt démenties, tel un rappel insistant au monumental, au milieu de dentelles, s'ornent de quelques poils sombres et raides, poussant parallèlement à la peau. Ai-je envie de cette femme? Je ne songe qu'à l'éblouir, en lançant des cailloux, puissamment, adroitement surtout, sur des cibles lointaines, en sautant également, en sautant sans élan, à pieds joints, par-dessus un tronc d'arbre couché, un massif de fougères. Il est vrai que pour un homme de 60 ans, je suis capable de bonds importants, occasionnellement surprenants. Mais de cela, hélas, je ne décide pas, ils viennent comme la grâce. Maintenant, je vais lui montrer que l'appréciation enivrante qu'elle a apportée sur mon corps, tu as un corps d'adolescent, a-t-elle murmuré, stupéfaite tant au moins pour elle-même qu'à mon intention, est pleinement justifiée. Je vais me jeter sans hésitation dans l'eau à 15 degrés et disparaître, jusqu'à ce qu'elle prenne peur. Ce que je fais. Je fume 2 paquets de cigarettes par jour, 4 quand j'écris, l'histoire finira forcément mal. Mais en attendant, mon souffle est meilleur que lorsque j'avais 14 ans. D'ailleurs, n'ai-je pas 14 ans? J'ai cet âge-là, et toutes sortes d'autres. 1 an, 48 ans, 12 ans, 8, 24, 59, 60. C'est ce qui m'est arrivé soudain à 16 ans, cette chose, qui me permet de m'épancher concrètement, dans le temps, dans tous les présents de ma propre vie, d'être en quelque sorte simultané. Quantitativement, le temps retrouvé proustien me fait sourire. Je ne suis pas un homme, je suis une société d'hommes. Je suis le même homme multiplié par autant de fois que sonne maintenant dans le temps d'une vie d'homme. Je me fiche éperdument de mourir, car la mort s'appelle l'un des âges que j'ai. Il n'est de vie que celle que ressent comme sienne l'individu universel, qu'il ressent en prononçant le nom de Dieu, moi. Et l'une des fonctions, l'une des essences de la vraie vie est de me dispatcher dans tous les azimuts de ma vie. 14 ans, c'est trop vieux? 11, trop vieux encore. L'innocent aurait essayé de toucher la jeune femme, de passer un doigt sous l'un de ses seins dans l'angle du pli pour en connaître le grain. Alors 8 ans. Oui, depuis une demi-heure, je dois avoir aux alentours de cet âge. La guerre vient d'être déclarée. Et dans les vagues d'herbe empesées de givre d'un jardin, j'enterre un faux rubis à l'adresse de celui que je serai un jour, et qui, le déterrant, s'ébahira d'être le même en étant devenu un autre. Il est évident que je n'ai pas, mentalement, intellectuellement, oublié les faits de la vie, car j'ai aussi cet âge spécial, l'âge que j'ai actuellement, qui se trouve être de 60 ans, et assorti d'une masse définie de savoirs parmi lesquels figure celui-là. Disons que mon âge dominant est de 8 ans, et qu'il domine si complètement que les faits de la vie me sont sortis de la tête. Ce phénomène spirituel pourrait être nommé interférence des airs personnels, ou interférence des couleurs, divines, sous-tendant ces absolus. N'importe qui d'autre que moi considérerait que j'ai simplement disjoncté. Elle est à moitié nue. L'intérêt intense que je lui porte est amnésique, vide de concupiscence. Depuis une éternité, elle se tient debout, immobile, dans la banlieue de l'onde glacée, enfoncée dedans jusqu'aux genoux. La silhouette est pure et nette, chargée d'une exquise banalité, c'est celle d'une baigneuse. La posture est un nouveau coup de poing révélatoire. Elle marie l'attitude d'une danseuse et son ombre projetée, gauchie, presque difforme. Me voici, face à la deuxième caractéristique essentielle de Una, me voici à nouveau sidéré et à nouveau fasciné, ébloui, électrocuté. Je plonge dans les abysses de son identité psychique, j'en atteins le fond, et ce que je découvre semble remonter à « avant la création », être antérieur à la mise en place des choses. Una est hantée paradisiaque. Una est hantée humaine. Una est la survivance de ce que fut l'être dans sa plus haute antiquité. Avec elle, l'être oscille encore sur le fait de l'identité, La différenciation des contraires n'est qu'en cours de réalisation, telles des nappes liquides allant et venant sur elles-mêmes, en échouant à se séparer. Les légions antinomiques hésitent au bord de leur destin. Una tout entière s'enracine dans la confusion primordiale. Les gens du pays d'Erta sont fils et filles de l'âge d'or néolithique. Una, elle, pousse à même l'or violet de l'ambiguïté. Elle s'est faite plus immobile encore. L'eau où elle a hésité à entrer, les pierres qui reçoivent le poids de son corps, la lumière jouant sur sa peau ne sont pas sa lointaine provenance, mais son futur. Comment s'étonner de l'étrangeté de la plante issue d'une telle graine? En cet esprit, l'élément féminin, chimiquement absolument pur, incline irrésistiblement vers la virilité. Il chasse, tue, conquiert, ici, l'obscur, le chaos sans doute, voit par les yeux de la clarté intellectuelle la plus aiguë. L'indifférence, devenue le fil du regard de l'amour, en a devant elle les visions. Ici, la trivialité avec ses petites dents, mort dans la pulpe des étonnements majeurs. Una a fini par s'immerger. La falaise végétale qui surplombe le lac sème sa surface de grains oblongues de soleil et de nuit. Una pratique une brasse hâtive et étriquée qui lui assure tout juste avant ses flottaisons. Son grand souci est de mettre entre l'eau et son menton le plus de distance possible. Je m'attends à ce qu'elle opte pour un parcours circulaire, mais non, elle va droit. Cette nage inefficace, qu'on ne considérait déjà plus du temps de mon enfance comme typiquement féminine, que ma belle et sculpturale aïeule d'outre-Atlantique eut à la fin du siècle dernier contemplée avec mépris. Je la connais bien. Cela fait des décennies qu'incrédule, attendrie, remuée d'amour et assez souvent de désir, je vois évoluer de cette manière anachronique dans toutes les piscines sauvages de la région ma belle et sculpturale épouse. De cette manière-là, exactement. La première lettre de Una venait d'Inde. Comme je l'ai dit à la première page de ce livre, c'était une vraie lettre, écrite en français, par quelqu'un à quelqu'un. La rédactrice avait dû se servir d'un stylo. Quant à la calligraphie, adulte, elle présentait d'évidentes similitudes, netteté et aisance, avec celle de ma femme. L'analogie ne s'arrêtait pas là, le ton de la lettre, la forme d'intelligence qu'elle manifestait, car incontestablement ces lignes possédaient un ton et étaient intelligentes, étaient dans la manière de ma femme, en fait c'était sa manière, exactement. De plus, la présence en Inde de l'auteur de la missive avait un motif léger, d'une étourdissante frivolité. L'étude de la danse. Saisi d'enthousiasme, j'étais allé aussitôt faire lire à ma femme la lettre de Una en lui disant « C'est inouï, c'est toi qui aurais pu écrire ça !» Après lecture, ma femme, fort surprise également, en était convenue. Una sort du bain. Allongée à plat ventre sur les galets, à la périphérie du lac, je la vois venir à moi au milieu d'un paysage qu'aucune force humaine ou divine ne réussira plus, de mon vivant, à souiller ni à flétrir, car c'est de la perversion, ténébreuse et fulgurante, de mon acte personnel le plus intime, le plus central, de la hideuse dérive de mon œuvre première de créature, que pourrait naître la souillure, le flétrissement, l'attentat contre la grande respiration paradisiaque, et cette mienne effroyable erreur. Je l'ai traqué jusqu'en son germe et éradiqué. Autrefois, on eût parlé d'elle comme d'une jeune fille. Au sens littéral, c'en est une. venant d'une autre civilisation, projection accidentelle d'un autre paradigme, crachat irisé d'un nouvel absolu. L'absolu est mort, vive l'absolu. Jeune fille, de quoi d'autre un homme peut-il tomber amoureux? En toute sincérité, Iseute peut-elle être âgée de plus de 16 ans? Ses lèvres sont un peu blanches, signe d'humanité, signe rassurant d'humanité et de vulnérabilité. Le bain glacé a hérissé ses seins de minuscules tumeurs, chair de poule. J'aimerais être certain que dans la partie consciente de cet esprit, là où prend place le discours sacré que la créature s'adresse à elle-même, un enfant rêve, qui sache aussi douter de soi. Elle est creusée de la grotte d'un utérus que je pourrais féconder. Petit vertige noir, pailleté d'émeraude, en forme de hampe, retour aux réalités. De grâce, n'appelez pas de ce nom une strophe du poème vital. La réalité est l'orgasme de la poésie, et la poésie est l'orgasme de la réalité. Les réalités sont l'effondrement de la pulsion, de la foi. On peut en tenir compte, on se doit de les mépriser. Alors, retour vers le futur, flash mnémonique plutôt, et qui ne véhicule que l'émouvante nouvelle que Una possède dans son ventre, une matrice, et qu'un petit nuage blanc venant de mon ventre à moi pourrait y provoquer une explosion de vie. 17e jour. Una m'écrit presque aussi souvent que je lui écris, c'est-à-dire 2 ou 3 fois par jour. Ces lettres arrivent directement dans notre boîte aux lettres, au bas du chemin forestier desservant la maison. Généralement, c'est moi qui vais chercher le courrier. Quand, de retour, me conformant à une règle familiale stricte, je le remets à ma femme, c'est cette dernière qui en extrait, à mon intention, là où les missives que m'adresse mon aimé. Alors je pars dans la forêt, afin d'en prendre connaissance dans de bonnes conditions. Ce ne sont ni des déclarations d'amour, ni des coups d'encensoir, ni de pieuses interrogations sur le sens que je donne au mot « conscience ». Ce sont les vagabondages épistolaires, de bonne facture littéraire, toujours très contrôlés, d'une Amazone fragile abordant, avec des réflexes de scientifique, la horde serrée de ses problèmes personnels. Je suis devenu l'un d'eux. Qu'elle classe parmi les énigmes intéressantes. Elle échoue à me faire entrer dans une catégorie connue, ce qui à la fois l'irrite et l'amuse. Elle n'est en aucune façon subjuguée par moi, mais sans nul doute j'ai réussi à la mettre en alerte. D'abord incrédule devant l'aveu de ma passion, elle a fini par en réaliser la sincérité. Et commence à se poser prudemment des questions. Je n'exclus pas tout à fait la possibilité que cette prose mesurée et poétique cache une toile d'araignée destinée à me capturer. L'éventualité ne m'effraie pas, elle me flatte. Et d'ailleurs, j'ai envie d'être capturé. Le surgissement en moi de la conscience infinie ayant eu pour effet, secondairement, de transférer dans une subconscience modifiée, illuminée, la part de mon activité intellectuelle chargée du déchiffrement des circonstances humaines que je traverse, je ne réfléchis jamais au sens habituel de ce verbe, à Una ou à ses lettres, qu'en vérité je parcours à peine. Tout ce que j'ai à en savoir, mon angélique subconscient me l'a déjà appris. Peut-être pourrait-on dire que là où les autres pédalent laborieusement, je suis, moi, en roue libre. De cette manière particulière, je sais qu'existe chez Una l'aptitude rarissime à élever jusqu'à l'universel l'objet du sentiment de haine, à abhorrer métaphysiquement et lucidement. Rien ne me serait plus facile que de distraire du courrier familial les lettres de Una. L'idée ne m'en est pas encore venue. Je pourrais également essayer d'effacer de mon visage l'expression qui clame à toute la maisonnée, heure après heure, la nouvelle inouïe et vaguement terrifiante que papa est tombé amoureux. Mais non, je n'y songe pas davantage. Il n'empêche que mes ailes sont en train de fondre. Mes orteils déjà labourent, sensation que je trouve prenante, émouvante à la façon de l'aube, le sol de l'humanité la plus vulgaire. Je cache les lettres de Una après les avoir lues et déchire, quand j'y pense, les brouillons de celles que je lui expédie. La foudroyante niaiserie de mon comportement me fait sourire. Depuis quelques jours, je me suis avancé un peu plus avant dans la dissimulation. Le soir, vers 18 h, utilisant comme un tremplin ma corvée quotidienne de charriage automobile de seaux d'avoine trempés jusqu'à l'enclos des chevaux de ma fille, je rebondis vers l'une des 3 cabines téléphoniques de la région et de là appelle Una, minuscule grain de poussière, perdu dans l'immensité continentale. Puis, les traits lissés par le bonheur, je réapparais à la Casa Sima où, événement impossible, je trahis le pacte conjugal de confiance en ne disant pas à ma femme tout ce que je viens de faire. Premièrement, l'amour est indivisible. Deuxièmement, je viens de le diviser. 3, donc, je viens, au minimum, de porter un mauvais coup à la relation d'amour avec laquelle se confond mon parcours terrestre, de faire saigner ce lien, support d'Éden. Je viens d'ensanglanter la grande respiration paradisiaque de l'univers. Je viens d'ensanglanter moi. Où est le sang? Où est la blessure menaçant de ruiner l'unité sacrée que je forme avec mon épouse? L'entaille mutilant ce tutoiement absolu? Il n'y a pas de sang. Il n'y a ni sang, ni blessure, ni crime. Mon amour était indivis, il le demeure. Miracle? Peut-être. Mais miracle fondateur de la divine condition humaine, miracle du don de conscience qui, dégageant l'homme à tout instant de l'étreinte de sa détermination la plus profonde, phase terminale, décisive de l'humanisation, le place dans le même mouvement, hors de portée des redoutables impacts déductifs de sa raison, le soustrait à la dictature de la logique d'exclusion. Je suis. Certes, à force d'exister, d'être quelque chose, bien plus fondamentalement encore, je suis. À force de ne pas exister, de déborder toute mienne identité, d'être, en ce sens, activement, avec la ferveur et la foi absolue de celui qui voit Dieu et le sert, rien. Ô grâce infinie, en m'œuvrant en tant que rien, j'acquiers le droit d'exister. Je deviens légitimement quelque chose. De la relative existence personnelle, je fais un absolu, je fais l'absolu divin. Dès lors, le type que je suis, insignifiance des insignifiances, vermisseau des vermisseaux, devenu esprit de l'esprit, devenu centre et moteur de toutes les choses, devenu moi, va demeurer dans un autre monde soumis à une autre raison, un monde où les contraires, sans rien renier de leur intégrité, ne s'excluent plus, où une horloge a le droit de sonner à la fois midi et minuit, où le cœur d'un homme a le droit de battre pour 2 femmes sans fissurer, sans remettre en cause l'univocité du lien d'amour, l'unicité de l'objet aimé. Je dissimule à mon épouse mon coup de fil journalier à Una. je ne me dissimule pas l'extrême gravité de ce petit mensonge. Si je reste pur, si je me maintiens dans le sein de l'être qualitatif sublime, de l'insécable et divine mélodie qui circule comme une brise sous l'ensemble de mes perceptions terrestres, et en réalise l'unité, les implications destructrices de mon acte ne seront jamais tirées, elles n'existeront simplement pas, tout sera sauvé. Si je permets à mon innocence de vaciller, à la musique universelle de pâlir, si je m'engage du bout d'un cheveu dans le monde inférieur, dans cette prétendue normalité dont j'ai oublié jusqu'au goût, les implications de mon acte jailliront directement dans mon âme, telles des lames, et je serai sur le point de perdre tout. Mais ne fût-ce pas précisément l'affrontement à une telle épreuve spirituelle que j'appelais de mes voeux lors de ces secondes charnières qui me virent tomber amoureux fou de Una. 18e jour, lettre à Una. Tu as soufflé comme un vent d'équinoxe sur mes perceptions terrestres. Des pans entiers de ce poème vivant, de ce lacis de couleurs spirituelles, ont disparu, aussitôt remplacés par d'autres éblouissements, anges et fées d'une race inconnue. Tu as remodelé, refondu les paysages d'Éden. Hier, un événement appartenant à un tout autre plan, bref et précis, a pris place dans la frange de la reconstruction en cours. Tout à coup, j'ai senti que quelque chose se détachait de chacun des êtres du sexe féminin que je connais, et l'attribut fugueur que je visualisais sous l'aspect d'une mince nappe de brume était leur féminité, que tu étais en train d'aspirer en toi, inexorablement. Puis je t'ai vu, te dressant, nu, au milieu d'une plaine grise, celle de la féminité universelle ruinée. Merci pour cette photo de toi. Ton image est pleine d'une humanité si simple, si concrète, que le mythe qui l'habite y sonne comme un coup de tonnerre. Dix-neuvième jour. Lettre de Una. Je suis désolé, mais il faut que je me défoule. Je ne supporte pas qu'on m'aime, je ne le supporte pas, ça m'énerve. Ça me met hors de moi, ça m'énerve. J'ai envie de détruire les gens qui prétendent m'aimer, les zigouiller, les réduire en miettes, ne plus les voir, d'abord m'en débarrasser. Quel plaisir, le moment du débarrassage, cette sensation de liberté retrouvée. Ouf, enfin, seule, libre et légère. L'amour des autres m'enchaîne, me rend malade. J'ai l'impression qu'ils s'approprient ma personne à mon insu, qu'ils puisent en moi, ils puisent ce que je ne sais pas puiser moi-même. C'est terrible, on dilapide mon trésor. Et moi, je n'y ai même pas droit, je n'en ai même pas la jouissance. Quel vol, c'est dégueulasse. Et puis d'abord, je ne suis pas désolé. Je suis malade, j'ai envie de tout casser. Vraiment, je ne plaisante pas. Qu'est-ce que je veux, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux, je ne veux rien, plus rien du tout. Je veux tout détruire, y compris ton amour, le balayer, le gommer, il n'a jamais existé. Du vent, du mensonge, une illusion. Menteur, tu es fait comme un rat, tu n'existes pas. Je suis là, seule, entière, on ne m'a rien pris, rien volé, je n'ai jamais laissé l'amour me toucher. Je ne veux pas être emprisonné, je ne veux pas qu'on pense à moi, qu'on me voie. Qu'on m'entende. Je ne veux pas qu'on sache que j'existe. Je ne dirai à personne que j'existe. Je me tairai, je me cacherai jusqu'à ce que le monde cesse d'exister. Son cœur cesse de battre. Je ne veux pas vivre avec lui. Je suis une sauvage dans sa caverne. J'attends la fin des temps. Je suis Una dans sa chambre, en train de se raconter une histoire sur du papier, mais gardant l'essentiel pour moi, caché, jamais sur du papier, que jamais un regard ne puisse toucher l'essentiel. L'effleurer, le deviner, jamais. Certains mettent du blanc, moi je mets du noir. Circuler, il n'y a rien à voir, rien. Si, il y a un monstre terrible, hideux, qui garde la porte, terrible. Le moindre phalène qui s'aventurerait serait déchiqueté, exterminé. L'amour est une agression tout comme la haine, mais la haine ne cache pas son visage, elle est pure. La haine est blanche comme un couteau, elle nettoie les plaies. Je hais l'amour, Je le hais de toutes mes forces. Je le tuerai jour après jour, instant après instant, afin qu'il n'en survive aucune trace, pas même un vague souvenir, pas même une odeur. Je suis une violente, je ne comprends que la violence. Mon langage est la violence, ma mère est la violence, mes enfants seront violence, je suis la violence. Tout entière, toute nue, et qui extermine, déchiquette vos regards, brûle vos yeux avec la foudre de mon regard. La liaison. Le con de Una, ce con de nacre rose à la bouche sombre et incroyablement bleu, double triangle crépusculaire semblant sculpté dans de l'os ou dans de l'acier, ce con presque effrayant de beauté et de perfection tiré au cordeau de plus. Et si étroit et court qu'un enfant de 8 ans le saturerait au point de se demander s'il ne va pas le déchirer ou le transpercer, ce con mythique, ce con joyau, eh bien, je vais vous dire ce qu'il est pour qui le pénètre. Il est un monde, il est le monde. En toucher le fond, c'est toucher l'épaule d'Atlas. Y décharger est un acte mystique, l'encensement des nuées primordiales, la diaspora des astres, l'infestation dorée du cosmos. La rupture. Après-midi du dernier jour, 17h45. Avançant d'improbables raisons d'ordre moral et ayant, comme à l'habitude, son argumentation par ses pâles palliatifs de l'activité vigilante, moiifiante, véritable que sont les rêves, quand ils deviennent messages, mise en garde, révélation, Una, les traits encore tirés par sa longue soirée de la veille, à laquelle pourtant, n'y ayant pas été convié, je n'avais pas participé. Au long d'un quart d'heure de discours distrait, sinon mécanique, ponctué de regards qui eussent dû être appuyés et expressifs, et n'étaient que vides, m'a signifié que notre liaison était terminée. Manifestement, elle en avait hâte d'en finir avec cette corvée. Je n'existais déjà plus pour elle. Une nouvelle vie l'attendait. Je n'ai pas l'expérience de la rupture amoureuse. En fait, ce que je sais de la vie, de ce qu'on appelle ainsi, se limite à mon acquis d'avant l'éveil, d'avant mes 16 ans. N'importe quel abruti me bat à ce jeu. Et le peu que j'avais engrangé, je l'ai oublié. L'extraordinaire est que je fasse illusion. Tout de même, j'ai vu comment ma fille s'y prenait quand elle entendait se débarrasser de son compagnon, d'un mois ou d'un an, avec quel calme et terrifiante détermination elle exécutait le type. Et j'en induis que la sentence rendue à mon égard par Una exclut toute possibilité de pourvoi en appel. Je suis cuit. Una ne reviendra pas en arrière. Il est d'ailleurs probable. Chez elle, elle me l'a dit et répété, cela fait partie du processus de la rupture, qu'elle a déjà couché avec un autre homme. La brève et morne entrevue, l'insipide guirlande du drame a pris place autour d'une table blanche en plastique moulé, sous une espèce d'immense radeau de canis couvrant la terrasse d'un bistrot de fortune posté stratégiquement à l'orée de la plage dite d'Iternante. Il a dû m'arriver, dans les pages précédentes, de chanter la crudité exaltante des impressions caractéristiques de la vie sur Terre, que je redécouvrais ébahie. Je n'augurais pas qu'elle soit assortie de ce cortège de nauséabondes complications. Il y a eu bien sûr la dernière étreinte. Elle a été fugace et à son issue, quand j'ai pu à nouveau regarder le visage de Una, j'ai remarqué qu'une larme coulait au coin de l'un de ses yeux. Enfin quelque chose se passait en elle. Pas sûr du tout. Peut-être suis-je en train de médire, mais il m'a semblé qu'il s'agissait de la larme de mise en pareille circonstance. Puis je suis monté dans ma voiture toute neuve, 4x4 GTI, système ABS, toit ouvrant à commande électrique dont je n'ai absolument rien à foutre, pas plus que du million de francs encaissés récemment par les Beccaria suite à la vente à l'État français, grâce à mon astuce et à mon esprit d'entreprise des archives du même nom, et j'ai pris le chemin du retour à la Casa Cima du nid familial massacré. Pendant que je remontais vers Arglavara, l'évidence de ma détresse m'entourait comme un nuage. Sombrant dans une banalité exemplaire, j'oscillais entre le désespoir et la rage. Cela avait un arrière-goût de syncope. Qu'allais-je devenir sans cette femme aimée par moi si puissamment et si déraisonnablement, sans cet envers, ce pur contraire de tout ce que je suis, depuis ma surface, depuis l'écume héritée ou acquise de mes comportements et de mes goûts, jusqu'à mes structures les plus profondes, les plus essentielles, jusqu'à ce qui à la fois troue et fonde cette architecture, jusqu'à l'éveil, qu'allais-je devenir sans elle? Il me faut bien majusculer le mot, que j'avais eu la folie d'associer indémêlablement aux années qui me restent à vivre, à ce flux d'ambre et d'or, constellé de tourbillons astraux, féeriques, que demeure pour moi cet avenir étroit. C'était écrit, cela, comme on dit, me pendait au nez. Cet être antipodique, le seul au monde à accueillir mes secrets les plus précieux, les plus inouïs, par le bâillement incoercible de l'ennui, tôt ou tard me larguerait. Et non pas avec les égards et la douceur dus à n'importe quel homme cultivant passionnément au moins une vertu, mais comme l'un quelconque de ces salopards, estimable peut-être mais médiocre, qui avait été ses amants par le passé. Quel imbécile je suis, quel con. Et pourtant, Una, au tout premier temps de notre rencontre, dans un élan d'honnêteté qui m'avait perforé sur place, m'avait mis en garde contre son peu de curiosité intellectuelle, sa fondamentale médiocrité interne. Je ne suis pas du tout celle que tu crois. C'est à ce moment précis que j'ai loupé le coche, c'est alors que j'aurais dû comprendre et mettre fin à l'amourette naissante. Je n'ai ni eu cette intelligence, ni ce courage. À la périphérie de ma souffrance ou de mon tourment, il y avait ce reproche supplémentaire que je m'adressais, comme un sanglot étranglé et misérable, vil. Pourquoi n'ai-je pas eu au moins le réflexe de rompre le premier, d'assassiner moi-même cette aventure sainte et absurde contre nature? Dans un tel contexte intérieur, la morale et les scrupules ne sont plus de mise. Je me suis rappelé complaisamment l'appréciation qu'avait portée sur l'objet de ma passion ma fille cadette, quand elle avait su de qui il s'agissait. Ah non, pas cette conne prétentieuse! Ma fille aînée, elle, avait porté sur Una un jugement plus nuancé. Attention, papa, ça c'est une femme, et elle n'est pas comme nous, c'est une primitive. Il est vrai qu'elle avait ajouté, pour l'instant il est clair qu'elle te veut pour elle, mais je suis agréablement surprise, elle a le tact de ne pas afficher sa volonté d'appropriation. Bien que ce ne fût pas exactement un compliment, ça avait été un baume sur la blessure insupportable infligée par ma cadette à la fois à la femme que j'aimais et à cet amour lui-même. Je suis tombé amoureux fou d'une conne prétentieuse et calculatrice, incapable du moindre élan d'amour véritable. J'ai arrêté la voiture juste avant le col d'Arglavara, j'en suis sorti et j'ai vomi en pleurant. Je dois à la vérité de dire que j'ai rendu et pleuré en pensant à mon amour perdu, et non à la famille que, depuis 3 années, je trahis et torture. Puis scrupules et dignité me sont revenus, et j'ai dardé jusqu'au cœur de la femme qui ne voulait plus de moi la flèche de ma foi en sa qualité, sa beauté intérieure. Oui, mais toi, chérie, tu m'as bel et bien renié. Avec quelques regrets peut-être, mais avec une détermination implacable, tu m'as arraché de ton cœur et de ta vie. Déjà je n'ai plus que le statut de souvenir. Peut-être vais-je te tuer. D'une certaine manière, Una m'a donné naissance. 40 années après ma naissance spirituelle, une femme m'a mise au monde, m'a mis dans le monde. Ce que signifient exactement ces mots, je l'ignore. Je me perds en conjectures sur la nature et la fonction de l'événement, qui m'a pris entièrement par surprise, comme s'il avait jailli du néant. Je ne demandais rien, et j'aurais été bien fou de le faire, puisque j'avais tout. Mais si inimaginable et mystérieuse soit-elle, la chose est arrivée. J'ai émergé lentement de Una comme d'une matrice, et il me faut bien accepter le fait que cet être vagissant, c'est moi. Peut-être un jour deviendrai-je grand et fort, autonome. Pour l'heure, je sais par chacune de mes fibres que si, dans mon état actuel, ma mère, celle-là, qui sans le savoir, a reçu à un moment donné en sa contexture profonde la semence dont j'allais procéder, me repoussait, m'abandonnait, je mourrais. Una revisité. Me voici à nouveau sur une plage, en compagnie de Una. Me voici à nouveau inclus dans ce saignement spécial des dieux qu'on appelle plage, aux côtés de la jeune femme dans les bras de laquelle ma famille légitime, cet autre épanchement céleste, adoré par moi plus que tout, plus que le ciel lui-même, m'a jeté autrefois aussi sûrement que si le destin en personne en avait décidé. Par maladresse ? Non. En lui réservant collectivement l'accueil trouble, déchiffrable comme un jet de venin psychique émis dans l'intention de chasser, sinon de tuer, que j'ai évoqué dans les premières pages de ce livre. Pour l'instant, Una et moi sommes dans l'eau. C'est notre première, et peut-être dernière, baignade de l'après-rupture. Le hasard d'une vague vient de nous rapprocher physiquement. Je suis en train de faire la planche. Una m'empoigne par les pieds et se met à me pousser, tout raide dans la mer, aussitôt tachée d'opium. Moi, je me sens devenir voilier. Cela semble être pour elle une espèce de jeu grave, exigeant beaucoup de concentration. À intervalles réguliers, elle change de cap. Quand elle interrompt le jeu, ma vision bascule du ciel jusqu'à ses immenses yeux noirs. Ils sont radieux. Et à moins que je ne sois fou, il s'agit d'un message d'amour que, consciemment ou non, elle m'adresse. À l'époque où j'ai rencontré Una, elle avait l'âge de mon Benjamin, 28 ans, et comme lui, en paraissait 18. Quand, l'ayant ramené sur la côte à Latonaccio, pour être précis, à la suite de son séjour écourté à la Casa Sima, je lui déclarai mon amour, en terrasse du Clairon. Il ne me vint pas une seconde à l'esprit que ces paroles étranges, démentes, quoique sereines et ciselées, qui me sortaient de la bouche et me semblaient rebondir jusqu'à Una, selon les lois de la réflexion lumineuse, après avoir préalablement frappé nos consommations innocentes et attentives, s'adressait non point banalement à une fausse adolescente de 31 années plus jeune que moi, mais à une vraie petite fille, avide avant tout de s'amuser avec des copains et des copines. Ce n'est que bien plus tard, quelques mois avant que notre couple scandaleux et surtout fantastique, possédant ce caractère au point de s'élever de lui-même jusqu'à l'intemporalité de l'œuvre d'art, ne se défasse, que la vérité a commencé à se faire jour en moi. Una, l'intellect le plus subtilement et le plus pugnacement tranchant que j'ai jamais rencontré, jamais. Una, l'ingénieur en hydraulique. Una, désormais lancée comme un tank à l'assaut du doctorat de philosophie. Una, la forte anthème. Una, implacable gestionnaire de sa vie privée, tant sentimentale que sexuelle. Una, qui baise quand elle veut avec qui elle veut, en pleine connaissance de ses fantasmes, plus généralement des mécanismes sensoriels, mentaux et affectifs pouvant l'amener à l'orgasme, aux différentes personnalités orgasmiques, et intégrant bien sûr à cette science la notion d'aléa, ainsi que celle de la fondamentale mobilité chez elle du processus d'excitation. Una, rencontre impressionnante, altière, pure et lisse comme une falaise, de l'amazonisme et de la politique, una sorte d'énarque naturel, sauvage, régnant à la manière d'une mère supérieure sur la congrégation sacrée de son univers, una a 12 ou 13 ans d'âge mental. Una est infantile. Una est une petite fille, disons une petite jeune fille n'ayant en tête qu'une idée, s'amuser, s'éclater. Pendant 3 années, je l'ai traînée avec moi à travers une région Rhône-Alpes que ça a très féminine et très fantastique présence à mon côté, débarrassée du moindre vestige de son identité. Une déflagration permanente d'hyperpoésie, de garrigues illuminatoires et de crêtes perse-âmes, de causerie en causerie, d'entretien en entretien, de questions-réponses en questions-réponses. Brrr. Oui, mais il me fallait bien un prétexte aux yeux de ma femme bien-aimée, un prétexte de préférence en béton pour aller rejoindre sur le continent ma maîtresse bien-aimée. Je n'avais réussi à imaginer que celui-là. Tant pis pour brrr. Tant pis pour la violation de ma morale personnelle. Or, tous ces gens que nous rencontrions, ceux auxquels je dispensais, à coups de haches finement ciselées et toujours pleins d'urbanité, mon enseignement, et ceux qui nous hébergeaient, étaient des adultes, des grandes personnes, d'une qualité humaine exceptionnelle sans doute, d'une courtoisie à toute épreuve, même à celle tétanisante de la vision d'un saint homme aux cheveux blancs caressant sans honte ni gêne apparente la main ou le bras ou le mollet d'une jeunesse. Oui, mais des grandes personnes, des vieux, des représentants de cette espèce d'ogre particulièrement ennuyeux que sont les vieux. Je m'emmerde, devait se dire Una, au bord de la détresse, se sentant se décomposer. Je m'emmerde. Et était-ce l'écolière, l'éternelle première de la classe, l'orpheline objective, recréant le tissu parental à travers les baisers et les attouchements de ses flirts, ou la femme de 30 ans qui ajoutait « Tous ces gens qui écoutent Steve sonnent faux. Leurs questions partent de leur peau, pas de leur profondeur. Ils sont là par mode, par convention, je les hais. » Question subsidiaire. S'agissait-il de la part de Una d'un acte de lucidité? Ou de l'expression d'une double et profonde frustration l'incitant à dévaloriser en bloc nos compagnons d'une soirée ou d'un jour, et à m'adresser à moi aussi en pensée un regard haineux? J'ai l'esprit 10 fois mieux fait. Je pense 10 fois plus vite et suis intérieurement 10 fois plus présente que n'importe lequel de ces connards. Et pourtant, apparemment, je suis la seule à ne pouvoir prêter aucune signification personnelle à ce que dit Steve. Jusqu'à présent, partout où j'allais, c'était moi, moi. Le centre de l'attention, moi qui parlais et étais écouté. Le pays que j'habite ne connaît que l'oblique. Son ambition secrète est de se verticaliser entièrement. Tout de même. La large sente forestière conduisant à notre archétypale demeure présente, sur une 100 mètres, une rémission horizontale. Sur ce plat-là, de temps à autre, m'étant calé à mon poste de travail, par une ambulation lente et dense, je procède au réglage minuscule mais subtil de l'énorme machine édénique, faite d'anges et des larmes saintes de la tendresse humaine, que j'ai réussi, il y a de cela des éons de temps, à construire et à mettre en route. Je parle de ma vie. Je parle du parcours terrestre d'un homme s'élevant, tout entier, sous la poussée ascensionnelle des brises de la conscience pure, en plein ciel, et y frémissant comme un cerf-volant. En d'autres temps, j'aurais parlé de l'ultime cadeau, de l'ultime générosité de Dieu, de la rédemption temporelle. Tant que je serai vivant, la brise soufflera et le cerf-volant volera, sans risque de voir son appui se dérober. Mais qui a commandé à ce type d'engin sait qu'il s'agit d'un art, d'un sport. En tout cas d'un noble défi. Même le vent le plus bienveillant, le plus stable à ses caprices. Et alors, sous peine d'exposer, ne serait-ce que théoriquement, la petite abstraction géométrique, miraculée, fardée de rouge ou de jaune intense et ivre de vie, au risque de finir lamentablement à la manière d'un oiseau emplombé en plein vol, il faut intervenir avec promptitude et professionnalité. Agir, exercer sur le bon fil la traction idoine. Je commande à Eden. Je tiens dans mon poing une bonne vingtaine de fils capables, chacun selon son génie propre, de compenser, souverainement, les micro-défaillances ou affadissements inhérents à tout vol, toute sustentation. Quel fil vais-je actionner pour me remettre droit au vent, avec la grande secousse, la teinte vitale, philosophique, de la rupture avec Una? Inouï. Je viens de jeter à mon petit-fils, assis près de sa copine, un regard d'envie et de haine. Non parce qu'il a 19 ans, la jeunesse en soi je m'en fiche, mais parce qu'elle a 19 ans. Et que pour lui cette intimité avec une très jeune femme ne bute pas sur la stupide plaisanterie d'un avenir fait, comme il arrive au lit dans un pensionnat, en portefeuille. Je crois pouvoir former raisonnablement l'hypothèse que Una m'a aimé profondément. De quel type d'amour, ça? J'en ai pas la moindre idée. Je me demande soudain si je ne l'ai pas blessé gravement et continuellement dans l'élan qu'il a jeté vers moi par cette forme de haute distraction qui est comme ma seconde nature aux causes multiples, mais procédant toutes, directement ou indirectement, de cette fichue gloire infinie autour de laquelle je suis construit. Bien souvent, alors que je venais de débarquer chez elle dans le grand studio calme percé d'un unique énorme œil forestier qu'elle habite à Apt en Estérel, Australie, j'ai vu apparaître dans cette autre baie surnaturelle, fenêtre ou fruit, à vous de choisir, que sont les yeux de Una. D'abord une lueur d'incrédulité absolue, puis la rosée de la larme qu'on refoule. Durant l'heure ou l'heure et demie précédente, je lui avais fait l'amour avec cette félinité, cette qualité d'écoute, cette force tranquille, caractéristique de l'homme de bon milieu d'origine anglo-saxonne, du gentleman. Tout de même, il n'est d'attardé, de cul coincé, d'habituer des links qui ne soient susceptibles de s'amender, d'apprendre. Je m'améliorerais, respectant l'hallucinant et vraiment très long protocole imposé à l'amant par une création à l'évidence bricolée, je réussissais désormais environ une fois sur deux à faire jouir Una. Puis, me fondant imprudemment sur la douce et confiante sensation de me trouver chez moi avec ma femme, j'étais redevenu ange et ou spectre, égal sur les bras immanquablement une Una révulsée. Qu'ai-je fait, bon Dieu? Tu as fait de la peine à la jeune dame. Tu lui as infligé le traitement que depuis 30 années tu réserves à chacune des personnes que tu aimes tant que si elle venait à mourir, tu te tuerais. En gros, enfermement, sans malice ni méchanceté, par un usage assez incritiquable de tes pouvoirs anormaux de sublimation, spiritualisation, zénith de la sensibilité humaine, dans... disons, dans une oubliette de poésie pure. Oui, mais ces prisonniers-là, ces oubliés-là, sont ta famille. Ils savent qu'à tout instant, leurs prénoms vivent en toi comme une prière. Toute leur vie, ils t'ont vu évoluer au milieu d'eux, comme une espèce d'île bienveillante, et si blessure il y a eu, ça n'a été que de simples égratignures. De plus, baignant dans le climat, la musique particulière mise en place par une longue lignée de fous, je veux dire d'artistes, ils ont eux toujours possédé cet avantage de pouvoir situer intuitivement la folie de celui qui les croisait dans les corridors de l'appartement familial, avec un sourire poli et de la relativiser. Pour Una, pas de possibilité de relativiser, de cette manière ou d'une autre. Pour la petite, petite bourgeoise géniale de Carcès au physique délicat de Madone orientale, pas d'art, pas d'artiste, pas de transe créationnelle, pas de vertueuse obsession de la sensibilité ou de l'intelligence, pas de vertige ailleurs que sur une terre naïve, convenue, abstraite, au bord d'un gouffre, dans les bras d'un homme ou au cours d'un lying, mes connaissances absolues, sans nuance, ni faille, confondantes, semblant faire du même métal que la naissance et la mort, des excès propres à l'âme. À moins que chez Una l'acte de rompre notre liaison n'ait été d'une telle étoffe. Sentant en moi l'obscur désir de rendre à cette femme le coup qu'elle m'a porté, il y a seulement 15 jours, je le découvre avec stupeur, je m'attache avec d'autant plus de zèle à demeurer tout au long de ces pages que je lui consacre purement descriptif et loyal. Et vraiment, je ne puis exclure que Una est rompue par passion métaphysique d'émerger, pure, intègre, libre, de cette espèce de couleur de soi qu'on appelle un moi, dans laquelle, hélas, pour moi, je me trouvais impliqué, par lesquelles elle se constitue, c'est-à-dire de tout le sens qu'on peut prêter au mot culture et au mot civilisé. Barbarie ou infantilisme? Ou innocence? Les traits de Una ont d'abord exprimé la stupeur, celle-là dont on dit qu'elle vous cloue sur place et qui est déjà l'affleurement de l'effroi. Pareille expression, je crois bien ne l'avoir vue apparaître dans le passé que 2 fois sur un visage humain. Et encore sous une forme imparfaite, dissociée comme en 2 temps. La première fois, il y a des décennies de cela, sur le visage de ma mère, au moment où un gentleman français, la question, délicate, importante, implicitement soulevée, étant, peut-on être à la fois gentleman et français ? Un vieil ami de la famille s'est mis brusquement à piétiner sa propre gentillesse en donnant une tape sur les fesses de notre jeune et sexy valet de chambre. Steve est devenu fou. Il m'a abandonné. Il fait, avec une lenteur exaspérante, les 100 pas sur le balcon en ne pensant pas à moi. L'autre fois, récemment, voici 10 années, dans le jardin du Luxembourg, sur le visage d'un enfant en bas âge que sa maman venait d'agresser sauvagement à coups de Marie-Claire. Est-il possible que Steve soit ce goujat absolu, ce monstre d'inconscience et d'insensibilité qui, depuis 2 heures, me fait l'offense inouïe de taper sur sa machine des textes de merde avec une tête d'enterrement en plus, alors que lui, mon amoureux, et moi, son aimé, nous trouvons ensemble, ensemble chez moi? Un visage féminin, émouvant, à l'évidence peint par Modigliani, posé sur le corps pur et chaste d'une apsara. Des traits qui, sous la violence de l'agression, sont maintenant en train de se figer et de se durcir. Amour blessé, orgueil blessé, atteinte profonde, épidermique. Je ne le saurai jamais. Tiens, une mouche vient de me piquer, moi aussi. Elle s'appelle ennui, ennui submergent, précis et destructeur comme une douleur dentaire. Dans les yeux de Una, une humidité diffuse, interprétable comme la trace d'une larme refoulée. Una, Una qui a rompu avec moi, Una qui m'a jeté, là-bas, de l'autre côté de la tache bleue de la mer, à Apt, chez elle, chez moi, nom de Dieu. Vacant à ses affaires qui ne sont plus les miennes. Au milieu d'un décor qui, lui, continue à me sourire, et il a raison car je l'ai aimé presque autant que Una, cette chose-là. Ça a l'air d'être la réalité, simplement la réalité. C'est une image. Rien d'autre. Rien de plus. Une image mentale, tridimensionnelle. Ou plutôt tridimensionnalisée, non consciente et extériorisée. Quand une image de ce type est saine, elle fonctionne comme un mot. Elle est et n'est qu'un symbole. Une fenêtre ouverte, non sur une réalité, mais sur une signification, non sur une chose, mais sur une idée. Même si l'image induit à la surface de soi l'impression qu'on la voit, tout au fond, elle est traitée correctement, lue, et tout va bien. Car de la signification, du sens, de l'idée, ceci est incapable, à jamais, de quelque façon que ce soit, et si peu que ce soit, de nous blesser. Physiquement, bien sûr, mais aussi, et là est le point vraiment fondamental, intérieurement. Je vais et je viens sur la partie plane du chemin desservant notre maison avec l'intention de débarrasser mon être intérieur à moi, qui est partout, de la salissure d'une douleur prétendant l'incruster. Il ne s'agit pas, il ne s'agit aucunement, pour moi, d'apaiser la souffrance ou de m'en évader. Mettre en relief ce fait, apporter cette précision-là me paraît capital. Mon propos n'est pas d'intervenir horizontalement dans le processus psychologique où s'inscrit, universellement, l'atteinte du cœur, avec les armes pathétiques utilisées par chacun en pareil cas, mais verticalement, en trouant le processus et l'espèce d'abcès qu'il manifeste, par le haut. Cet acte-là est vraiment la seule chose au monde que je sache faire, mon unique réponse à l'adversité, dans quelque dimension qu'elle se manifeste, mon unique forme d'adaptation à ce qu'on appelle la vie. Je ne sais que spiritualiser. Je ne saurais jamais que spiritualiser. Aujourd'hui, après 40 ans et plus passés à conjuguer concrètement ce verbe, il a pris la forme d'une édénisation massive, évoquée à la fin du précédent chapitre, de ma vie terrestre, de ma vie d'homme. Et c'est parallèlement diversifié en une quinzaine ou une vingtaine de conduites édénisatrices spécifiques dont je me sers essentiellement pour assurer la maintenance d'Éden. Voilà. Éden se trouve légèrement accidenté du fait de ma rupture avec Una. Aujourd'hui, je vais essayer de le réparer, de le défroisser par traitement de l'image mentale extériorisée correspondante, de l'image Una qui m'a jeté et de tout le dispositif imagé où elle se trouve enchâssée. Una est un phénomène naturel. Je crois que c'est la bonne approche. Même si l'on prend en compte ses qualités intangibles, son extraordinaire maîtrise de la réflexion logique, l'existence chez elle d'un être moral, indéniable, en dépit du caractère chaotique et à mes yeux consternant de fadeur, de sa conception post-68arde du bien et du mal, espèce de reliquat déviant, soi-disant ouvert et avant-gardiste, secrètement content de soi du double héritage chrétien et marxiste, plus précieux, plus fondamental encore, l'existence chez elle d'un être authentiquement humain, c'est-à-dire accessible au doute sur soi, à la détresse intime, même si, contraint et forcé, l'on injecte cet or dans la donnée Una, l'évidence, inexorablement, va se lever en vous et y demeurer. L'être ainsi prénommé est essentiellement assimilable à la pluie et à la grêle, à la croissance des plantes et à la migration de l'oie sauvage, au retour du soleil, le matin, à l'éjaculation précoce, à l'orage, au tremblement de terre. L'ennui ou la difficulté étant que lorsque se met en place cet autre grand phénomène naturel qu'est l'aperception de Una en tant que phénomène naturel, Una s'abolit, disparaît en tant que sujet. Une subjectivité sans sujet, qu'elle soit ou non veinée d'or, cela pose problème. Nouée au sens fort du terme, avec un tel néant, Cela également pose problème. Problématique philosophique, problématique affective. Je me demande si je ne suis pas en train d'examiner le gouffre subtil, discret qui sépare psychisme et esprit. Et l'humour de Una. Et Una me faisant avec un visage impassible la confidence que le sens de l'humour chez elle a été une acquisition très tardive. Una, à l'issue d'une nuit que, volontairement, j'avais passée seule, allongée à même le carrelage de la cuisine, sans fermer l'œil, pressant contre mon âme la noire, la vibrante, la tournoyante, l'arctique révélation de la haine absolue que m'inspirait la femme dormant dans la pièce à côté, ou plutôt son âme à elle, ce point de bêtise et d'arrogance inouïe autour duquel elle était construite. Una, au petit matin, poussant la porte de la salle de bain où, épuisé, je reposais dans la paix du liquide amniotique retrouvé, s'approchant de la baignoire, les traits comme brisés par une tristesse venant des abysses de la condition humaine, plongeant dans l'eau sa main minuscule et la refermant autour de mon pénis, le faisant durcir, me disant « Steve, conscient, et conscient d'être conscient, et conscient d'être conscient d'être conscient ». De ce que l'abominable, la haïssable pute qu'il regrette amèrement d'avoir prise pour maîtresse est en train de le faire bander. Jusqu'alors, ma détermination à mettre fin à l'absurdité, à l'immense erreur de cette liaison, à rompre, à me barrer, oui, à me barrer, et pas demain, sur l'heure, sitôt mes valises faites, avaient été totales. Bien sûr, je suis resté. Un faux départ, soit. Mais dans le cours de ma relation amoureuse avec Una, je suis vraiment parti deux fois, physiquement, et bien plus important, moralement, ayant donné depuis le fond de moi-même ce coup de hache sans appel qu'on appelle rompre. Par pur orgueil masculin, c'est-à-dire pour un motif dont l'immense frivolité devrait m'atterrer, qui, de fait, me confond, mais sans autre effet sur ma paix intérieure que d'y faire naître, en surface, une ridelette d'ironie amusée. Je tenais beaucoup à ce que le point soit historiquement établi. En ces deux occasions que tôt ou tard, quand l'envie m'en viendra, je relaterai, la relance est venue de Una, très flatteur et tout de même déjà inattendue, posant question. Lors de la scène de la baignoire, burlesque et grave, Una, sachant parfaitement que, dès que séché et habillé, j'allais ficher le camp de sa vie pour toujours, m'avait retenu auprès d'elle, en se servant avec un à-propos stupéfiant de la seule arme capable de disloquer ma détermination, son usage dévastateur, nucléaire, de l'humour. Or, elle me l'a dit et répété de vive voix et par écrit, quand elle a elle-même abattu sur notre histoire d'amour la fameuse hache, à la date de la dite scène, elle avait déjà pris ses distances par rapport à moi, tranché, tué le lien en son fort intérieur. Dans ces conditions, pourquoi ? Oui, au nom de Dieu, pourquoi ? À cette même date, ne m'a-t-elle pas laissé prendre la poudre d'escampette? Par orgueil féminin? Pour qu'il ne soit pas dit qu'elle était de la race de celle qu'on jetait, mais de la race de celle qui jette? Il y a une autre hypothèse. Una, au moment de la rupture, m'a menti. Mais peut-être Una était-elle avant tout une menteuse? Una qui m'a jeté là-bas de l'autre côté de la tache bleue de la mer, à apte chez elle, chez moi, nom de Dieu, vacante à ses affaires qui ne sont plus les miennes au milieu d'un décor qui lui continue à me sourire. Pas la réalité, pas le monde, une image. Une image mentale, en tout cas intérieure, non consciente, tridimensionnalisée et extériorisée. Quand une telle image est saine, elle a strictement valeur de symbole et livre l'accès à une signification. Elle est lue. Une signification, ou si on préfère, un sens, une idée. Peut-être exploitée, c'est vrai, sous la forme d'une action, potentiellement dangereuse pour notre intégrité physique, potentiellement douloureuse. En elle-même, elle est et demeurera éternellement inoffensive, incapable d'atteindre douloureusement notre être intérieur, de menacer son intégrité. Est-il besoin de le préciser? Tout ceci, alors que j'arpente à petits pas lents mon air de méditation, je ne me le dis pas, je ne me l'explique, ni ne me l'explicite. Je le sais. En vertu d'un acquis intuitif définitif mis en place directement par l'éveil, et je le fais. L'image intérieure extériorisée, malade, perverse, elle, méconnaît entièrement sa nature de symbole, sa fonction signifiante. Imaginons que le mot « Dieu » écrit sur une feuille de papier, soit frappé par le même mal, oubliant qu'il est un symbole. Il se réduit à un paquet de petites taches d'encre, à cette matière, en y entraînant le sens qu'il signifiait jusqu'à présent, aussitôt victime d'une destruction passant l'imagination. Dieu, objet de lecture. Puis Dieu, objet de perception, et Dieu sans guillemets, Dieu, sombrant dans le gris bouilli, la tâche. L'image Una qui m'a jeté là-bas, etc., est malade. Elle atteint douloureusement mon être intérieur. Dieu soit loué, elle ne le corrode pas, n'entame ni son unité, ni son intégrité, qui demeure parfaite. Mais en théorie, elle pourrait produire cet effet. Tout au fond de moi, cette espèce de mot naturel n'est plus traité correctement. Il n'y est plus reconnu comme un symbole. Il n'y est plus lu. Ceci se traduit dans mon vécu par la mise en place d'un faux objet perceptif, d'un objet perceptif hallucinatoire, d'une zone de pseudo-réel. L'image symbole, Una qui m'a jeté là-bas à apte, etc., s'est constitué en une présence, en un être illusoire, en une réalité avec laquelle mon être intérieur, intime, se trouve dans l'illusion de nouer directement, comme physiquement et sensoriellement, et je souffre. Dissoudre l'illusion, en émerger, très exactement comme on émerge d'un rêve, n'est plus difficile pour moi. Cela demeure un acte, un art subtil, suprêmement subtil, même magique, un miraculeux exorcisme. Le premier pas consiste en une palpation, une auscultation recueillie de l'image intérieure, extériorisée, malade, dévoyée, en l'espèce aujourd'hui de l'évocation imaginaire, Una qui ne veut plus de moi, qui n'est plus amoureuse, pour qui je n'ai plus que le statut de souvenir, là-bas sur le continent, à Apte, en Esterel 06-210, 5 avenue de la Brise, les Lucioles, bâtiment 4, 5e étage, première porte à droite, en face en sortant de l'ascenseur. L'image, bien sûr, étant attaquée en son site même, au milieu, et comme en pleine chair de l'évocation géographique globale où elle se trouve insérée, laquelle passant désormais pour le monde, la Méditerranée, le Midi, la France, ne va cesser de conforter, d'épauler, de sanctuariser l'illusion plaie qui saigne en elle. Le second pas, j'ai le choix. À partir du report à l'image, de cette sorte d'exploration lente que j'en fais, je puis porter l'attaque proprement dite, hautement technique, de différentes manières. Disons que le prêtre, procédant à cet exorcisme particulier, dispose de toute une gamme de rituels. Fondamentalement, il s'agit d'arracher à une mentalisation l'aveu de sa nature mentale, de faire avouer au rêve qu'il en est un, et d'en émerger, de s'en éveiller. Aujourd'hui, je vais me servir du rituel génial, peut-être le plus sublimement génial et efficace de tous, de la couleur de l'image intérieure extériorisée malade. La couette bleu marine, le drap housse assorti, le lit de 140, le sol en comble en la porte isoplane de la salle de bain, le téléphone portable noir à touche, la petite écriture ferme et précise de Una omniprésente dans la pièce. L'énorme baie vitrée avec ses deux portes et le défi permanent que représente pour moi leur système d'ouverture et de verrouillage. Chacune des strophes du poème sylvestre suspendu, Arglavaret, emplissant la baie comme un cri. Je ne sais si le mot « regret » est bien celui qui convient. J'ai d'ailleurs le même doute au sujet de la langue à laquelle appartient ce mot. Mais quoi, il faut bien que moi aussi je manifeste mon cri. Je regrette. Je regrette la petite tumeur violette en forme de nuage qui, entre 1991 et 1994, a poussé lentement sur le téton du sein droit de Una. Je compte une à une chacune des pinces à linge en plastique avec lesquelles Una, pendant cette même période, a scellé minutieusement tout ce qui, à la maison, ressemblait à un sac et contenait un aliment. Et je les regrette, une à une. Je regrette le pli soyeux barrant horizontalement les paupières supérieures de Una. Je regrette les poils pubiens de Una, en la stellaire singularité de leur contexture et surtout de leur disposition, une herbe noire, presque stylisée, dont chaque brin pourrait être le fait d'un graveur, dessinant, non point d'un triangle, mais un rectangle haut et étroit, rappelant invinciblement le parallélépipède mystérieux de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je regrette la foudre toute particulière que devient, chez Una, l'alliance de la chair féminine et du slip, noir ou blanc. Je regrette cet autre éclair, plus doux, plus chaleureux et humain, mais lui aussi surindividualisé, surparticularisé, de la vision de Una assise sur les chiottes de l'appartement et faisant pipi. Je regrette à m'en rendre malade. Je pleure ces abrupts et brefs voyages de Una hors de son expression orale, toujours éminemment convenable, toujours sous haute surveillance, et feignant d'ignorer jusqu'à l'existence de ces cafards et de ces rats que sont les gros mots. Ou plutôt les mots triviaux, par exemple. Una, à l'époque enceinte de 2 mois, me poignardant de ravissement par cette transgression soudaine de sa propre loi, cette gifle inouïe donnée à son propre personnage, pétrie du double dogme de l'hygiène langagière et du sérieux des choses. Dans le fond, c'est parfait que je ne sois pas ta groupie. Comme ça, personne ne pourra dire de toi que tu es un maître qui baise sa disciple. Bon, maintenant je pleure pour de vrai. J'inonde de larmes chacun des scintillements purement humains et terrestres m'ayant transpercé le cœur depuis les 63 années que j'existe. C'est dire que j'inonde de larmes toute ma vie. Ma vie ici-bas n'a été qu'un vaste semis de ce genre d'étoiles. Quand j'étais petit, ceux qui m'élevaient parlaient de moi avec fierté comme d'un enfant sensible. Dieu du ciel, s'ils avaient pu deviner quand leur fils, petit-fils et neveu, qu'il petit nommait Milton, l'enfant sensible, loin d'être le gage d'un homme de qualité à venir, allait tout envahir, en fait avait déjà tout envahi. S'ils avaient réalisé que toute la maturation que Milton, égale Milton plus le monde de Milton, le monde pour Milton, c'est-à-dire plus le monde, connaîtrait jamais consisterait en une croissance exponentielle de Milton enfant sensible. Eh bien voilà, l'impossible s'est produit, l'inimaginable exaucement et l'inimaginable universalisation de l'enfant sensible ont eu lieu. Et je viens donc d'évoquer ma vie comme un semi-continu d'étoiles. Et sur chacune de ces étoiles précaires, purement humaines et terrestres, sur chacune de ces choses, saintes et mortelles du jour et de la nuit, j'épanche, comme s'il s'agissait d'un bébé, les larmes de l'amour absolu. Et les choses du ciel dans tout cela, ces individualités qualitatives sublimes arrachées par milliards, comme des étincelles, au feu conscient, par on ne sait quel vent, et formant les légions, étrangement blanches, de l'éternel, de l'universel. La question me prend de court car c'est précisément de cet essaim ou de cet essaimage que je viens de parler. À l'âge de 60 ans, saisi apparemment de folie suicidaire ou alors peut-être saisissant au vol une nouvelle occasion, grandiose, flamboyante, il faut le dire, d'agir d'abord et de réfléchir après, et simultanément de me mouiller, je suis descendu dans l'arène et m'y suis fait encorner. Bien. Bien. Bien. Je pisse le sang et j'ai très mal. Si, avec les armes de l'esprit pur, de la conscience pure, les seules dont je sache me servir, je réussissais à dissoudre cette condensation-ci de l'illusion, si primitive et banale qu'on a envie d'en parler comme d'un grumeau ou simplement comme de ça, eh bien alors, pourquoi pas la poix, le feu ou la croix? Voici quelques pages, à la fin du chapitre 3, si je me souviens bien, j'ai défini l'image Una qui m'a jeté là-bas, de l'autre côté de la tache bleue de la mer, à Apt, etc. Comme une image mentale générée non consciemment et extériorisée. Puis j'ai dit qu'une image de ce type pouvait être soit saine, soit malade, perverse. Dans la première éventualité, elle était traitée par notre être intérieur le plus intime, depuis le phénomène extraordinaire d'une subconscience centrale, de façon correcte, comme un pur symbole, comme purement signifiante, et ce en dépit de l'impression créée par l'image à la surface de nous-mêmes d'être vue comme avec nos yeux. Dans la seconde éventualité, elle était interprétée incorrectement, par cette même part profonde de nous-mêmes, comme un objet de perception, comme une réalité. Il me faut absolument, je le sens, compléter ce propos par quelques réflexions et remarques. Après cela et après cela seulement, sans doute, je pourrais envisager d'essayer de pénétrer intellectuellement dans l'intimité limpide, évidentielle, de ce que je fais, comme d'autres vis taillent ou rompent une miche de pain, quand j'exorcise l'image mentale extériorisée malade selon le rituel de la couleur de l'image. D'où vient l'image? Elle vient de très loin ou de très haut. Elle est générée par notre essence spirituelle, notre âme, unité insécable dans laquelle se trouve fondu le principe conscience et le principe moi. Dans une autre terminologie, pour laquelle je n'ai guère de goût, mais qui constitue une grille incomparablement efficace, irremplaçable, pour le déchiffrage intellectuel de l'éveil et de ses phénomènes, le principe Dieu et le principe créature. L'image mentale extériorisée vient-elle de Dieu ou de la créature? Elle est générée par la part créaturielle de notre âme. L'engendrement créaturiel est strictement codifié, sous haute surveillance. Quand l'engendrement est licite, pur, l'image mise en place est un symbole ouvrant à une signification, laquelle alors, à mon avis, en l'absence de toute volonté démiurgique d'atteindre par l'esprit l'être signifié, Una par exemple, selon le mode physique, échappe, par innocence, à son impuissance, son autisme constitutif, et rejoint, enfin, le réel. Quand l'engendrement est illicite, impur, la même image, désymbolisée, acquiert, prétend acquérir le statut de chose, de réalité, prétend être l'être qu'elle devrait signifier. Una elle-même, et comment ne pas interpréter cette prétention comme la présomption de l'âme créature s'essayant à créer à la place de Dieu, comme la volonté démiurgique elle-même? À quel ordre ou quels ordres de choses appartient l'image? Le pluriel se justifie. Comme toute image mentale extériorisée est une conjonction de qualités sensibles, imaginées. Ces qualités sont intégrées synthétiquement en une unité. L'image est un tout. Et l'image en tant que tout possède une résonance qualitative propre, de type mélodique ou physionomique, c'est-à-dire appartenant à la dimension non sensible, spirituelle de la qualité, le potentiel signifiant de l'image est donc double. Est-il une loi qui gouverne la production de l'image mentale extériorisée? Une image de ce type ne peut se mettre en place ponctuellement, isolément. Son apparition entraîne nécessairement celle d'une image contenant, de type géographique, d'une image monde, lui servant, par ailleurs, de caution. Le phénomène premier, basal, est celui de l'image monde, impressionnante par son envergure, certes, mais plus encore parce qu'elle possède pour nous valeur d'absolu, comme la chose qu'elle signifie ou prétend figurer, ou tout simplement être. L'image monde existe-t-elle toujours? Est-elle toujours en place par-delà notre horizon sensible, visuel, qu'il s'agisse des murs d'une pièce, des immeubles bordant la rue où nous marchons, ou de cet autre écran qu'est une colline, une montagne, un simple rideau d'arbres? Sommes-nous ainsi faits que nous ne puissions traiter le lieu terrestre que comme devant être complété? En l'état de conscience innée, l'image monde est immuablement présente, et ce, sous sa forme perverse, sauf peut-être pendant la toute petite enfance. Au sein de la perception extatique du lieu terrestre, dépouillé de toutes ses adjacences historiques et temporelles, s'affirmant comme un ici-maintenant pur, c'est-à-dire au sein de l'Éden spatial, l'image-monde est entièrement détruite, consumée. Le lieu terrestre, égalé désormais à l'aspect sous lequel il se dévoile à nous, devient un absolu. Et la question « qu'y a-t-il derrière, au-delà ?» perd tout sens. Au sein d'une histoire personnelle amendée, décloisonnée, purgée de toute causalité, faisant apparaître des plages de présents libres, non articulés, telles des îles sans bord, c'est-à-dire au sein de l'Éden temporel, l'image monde ressuscite. Mais ce qui se déploie s'envole à nouveau autour du lieu terrestre, est licite, saint, fondamentalement signifiant, parallant, possède la grâce et la légèreté d'un ciel de printemps. Revenons-en à l'image plaie, Una qui m'a jeté. L'image monde rayonnant à partir d'elle lui sert, ai-je dit, de caution, en quelque sorte de support d'existence second. La bonne question, la question véritablement brûlante est quel est son support d'existence premier? En d'autres termes, quel est l'ancrage immédiat de l'extraordinaire impression de réalité qu'exsude mensongèrement cette image mentale malade, désymbolisée et constituée illicitement en un soi-disant objet de perception? Je qualifiais de brûlante l'interrogation et sans nul doute c'est l'épithète qui convient. Car l'impression de réalité d'une telle provenance et d'une telle espèce, si commune qu'on peut se demander si elle n'a pas fini par ensevelir et étouffer entièrement l'approche intuitive juste de la réalité, est bien plus que le vecteur occasionnel de la souffrance intérieure, est bien plus que le vecteur occasionnel de l'adversité. Elle en est, à jamais, la seule et unique demeure. Et cette maison-là est un rêve. Qu'est-ce qu'il fiche ce type-là, dans sa forêt falaise, à faire sans fin des allées et retours sur un bout de sentier plat? Promenade hygiénique recommandée à tout sexagénaire? Progression rythmée caractéristique de la branlette intellectuelle? Ou alors, le monsieur compose un poème dans sa tête? Non, non, le monsieur ne vous emmerde pas. La logique littéraire le voudrait, mais ce n'est pas le cas. Le monsieur s'apprête à casser, d'un geste presque machinal, la maison de l'adversité. Aujourd'hui, son geste va s'adresser, non aux étais de l'édifice, mais directement à ses fondations, à la résonance qualitative de Una. Una, mon amour. Una à la confluence diamantine et baroque. Difficile, dangereuse pour elle, sûrement, de Carcès, de Madagascar et de Canton. Una, qu'alternativement je vais, dans ces pages, porter au zénith de l'humain et traîner dans la boue, sans savoir jamais avec certitude tout au fond de moi si je décris ou extrapole, œuvre honnêtement ou tendancieusement. La résonance qualitative d'un ensemble d'éléments sensibles, réels ou imaginaires, qui est ce par quoi ils sont un, forment cette unité vivante qu'on nomme un tout. La mystérieuse couleur ou musique que véhiculent les mystérieuses synthèses dont est capable notre sensibilité. Combien sommes-nous peu habitués ou peu enclins à écouter cette musique-là? Et combien il nous est difficile de nous reporter à elle consciemment, même lorsqu'elle nous crève l'âme, même lorsque, ostensiblement, elle chante d'elle-même sur cette totalisation intense qu'est le visage d'un proche, d'une mère. Dans toute la langue française, il n'est qu'un seul mot permettant de se référer à ce qualitatif non sensoriel, à ce haut qualitatif spirituel, sans risque de l'associer aux honorables épanchements de l'affectivité, impression. et qu'une seule expression permettant de commencer à rendre hommage à ce ressaut sublime de la qualité, impression d'enfance. Or, ces qualités, que dans mes textes récents je conceptualise et nomme idée, qualité divine première, sont omniprésentes. Elles sont le fil secret avec lequel tout est tissé, depuis le sein de nos esprits jusqu'aux limites extérieures du monde visible, et depuis ses frontières jusqu'aux moires les plus lointaines de cette immense respiration de l'âme qu'est le monde invisible, l'image-monde. Elles sont le fil infiniment divers du tissu universel, et selon moi, elles en forment également la trame. Et quand le tissu se corrompt, que devient son fil? Que deviennent les qualités innombrables? Désertent-elles, dans un grand bruissement d'ailes, une expérience d'être soudainement avilie, moribonde? Non, ceci est un point capital. Les légions qualitatives ne fuient pas le tissu expérientiel déchu. Elles tissent sa déchéance. Il est donc des qualités déchues. Elles deviennent alors les fondations de l'hallucination. C'est un ange déchu qui soutient entièrement, dans sa prétendue et impressionnante et dramatique réalité, l'ex-symbole, l'ex-image-symbole, Una qui m'a rejeté, qui ne m'aime plus d'amour. Quelque chose comme un goût noir tirant sur le verdâtre, fade et corrodant, trouble aussi, sans franchise, mais hautement défini cependant, possédant cette spécificité, cette originalité absolue qui font que quelqu'un est, eh bien, est quelqu'un, ce quelqu'un. Un ange déchu, soit. Mais de quelle espèce ? La part divine de nos âmes engendre les anges, et les anges, en tant qu'engendrement divin, sont indestructibles. La part créaturielle de nos âmes dispose des anges et du droit de les mettre en œuvre pour son propre compte. Mais au nom de Dieu, ce qui veut dire ingénument, dans des confections telles que l'image-monde. En tant que participant à ces confections-là, en tant qu'engendrement créaturiel, les anges sont destructibles, subjectifs et mentaux, licitement ou illicitement subjectifs et mentaux, de toute façon destructibles. Et c'est à la créature que je suis qu'échoit le pouvoir, l'honneur exorbitant de détruire l'ange subjectif et mental, en lui rappelant sa nature purement hypothétique et ludique, et en l'oubliant, par résorption en ma double nature créaturielle et divine. Pas étonnant que l'ange déchu, qui est aussi l'ange mystificateur et corrupteur, aime tant l'ombre, aime tant à se terrer dans l'ombre de notre inattention. Pas étonnant que cette résonance noire, vaguement verdâtre, miasmique, sous-tendant l'impression hallucinatoire de réalité exhalée par l'image Una qui m'a rejeté, est une vocation pour la clandestinité? S'exposerait-elle à l'appréhension consciente? Se laisserait-elle simplement fixer? Qu'elle, l'ancrage de la fausse réalité? Qu'elle, le déploiement de l'adversité, avouant aussitôt sa nature subjective et mentale, son irréalité fondamentale, se dissoudrait comme un rêve. Exorciser l'image mentale extériorisée malade en se servant du rituel de la couleur de l'image est donc un acte fondamentalement simple. Plonger en transparence de l'image jusqu'à la couleur, la débusquer comme derrière l'image, l'amener au jour de la conscience, s'éveiller à elle. Un acte fondamentalement simple, oui, mais qui transgresse les lois de l'état inné de conscience qui doit percer les défenses subtiles, génial de la couleur, vaincre sur son terrain le malin. En fait, La couleur de l'image n'est pas simplement le support de la réalité de l'image, elle est cette réalité, elle est le caractère de réalité acquis frauduleusement par l'image. Pour l'innocente victime de la machination, il n'y a pas là de couleur, de résonance qualitative vile sous-jacente, il y a le réel, n'est-ce pas, par essence, insoupçonnable. Vraiment, le malin justifie de son nom. L'irruption en un homme de la conscience de soi infinie le rend plus malin que le malin, ce qui n'est pas peu dit. Alors, voilà l'histoire qui, il y a quelques instants, a secoué la terre et les cieux, les faisant miraculeusement reverdir, renaître, est toute simple. Je me suis servi de la chose que je porte en moi comme d'un sonar, me suis dirigé droit vers la résonance noire, congestionnée de vers glauques, propre à l'image. Una qui m'a rejeté, qui ne m'aime plus d'amour, et m'en suis éveillé dans un silencieux et serein sursaut. Et les larmes du bonheur, de la joie pure, ont jailli de mes yeux, car toute chose et moi-même venions de naître. Le faux réel est vulnérable, et donc la maison de l'adversité se nommerait-elle déchirement de l'amour perdu, n'est qu'un peu de paille que chacun, avec ce rien de génie qu'est l'usage audacieux de l'intelligence, est capable de faire brûler. L'image mentale non consciente, tridimensionnalisée et extériorisée, Y là-bas, chez lui, chez elle, qui m'a rejeté, bafoué, trahi, s'affirmant d'elle-même, mensongèrement comme du réel, ce fragment ou cet îlot de faux réel tire toute sa puissance, toute son hypnotique puissance de persuasion de la résonance qualitative subtile et basse de l'image. En fait, cette couleur de l'image extériorisée, dévoyée, désymbolisée, est la pseudo-réalité que véhicule celle-ci. Le phénomène même de cette pseudo-réalité, la couleur de l'image plaie, de l'image ponctuelle douloureuse, se constitue directement, immédiatement, en un pseudo-réel. L'image-monde incluant l'image plaie possède-t-elle, elle aussi, une résonance qualitative propre? Oui. L'image plaie induit-elle une corruption massive de l'image monde? Oui. Se pourrait-il que, s'agissant d'une image monde dévoyée, désymbolisée, la relation existant entre la résonance qualitative de l'image, désormais unité d'un tout, infini, et une quelconque prétendue réalité affichée mensongèrement par l'image, soit la même que dans le cas de l'image particulière, Y là-bas chez lui, chez elle, qui m'a rejeté? Oui. Dans son fonctionnement frauduleux, la couleur de l'image particulière devient un pseudo-réel. Dans son fonctionnement frauduleux, la couleur de l'image générale, la généralité acquérant ici une signification presque excessive, se hissant au rang d'absolu, la couleur de l'image monde, ou univers, ou cosmos, devient le réel, le réel. Quoi, le réel? Cette donnée première, fondamentale, cette base à laquelle depuis que je suis né je me réfère avec ces deux mots limpides et francs, serait une imposture? Depuis les X décennies que je vis, ce qui vaut pour moi comme étant le réel ne serait qu'une espèce d'affect coloré? Qu'une mienne impression de type purement qualitatif, diffusée par moi-même, clandestinement dans tous les azimuts de ma perception, vile mais non moins définie que le goût du citron ou de la framboise, et usurpant depuis ces ténèbres de la non-conscience où je me la dissimule, l'identité du réel. Et oui. Ce que l'état de conscience inné désigne à chacun de nous, même pendant l'enfance, impérativement, comme étant le réel, n'est qu'une qualité déchue, un ange déchu, mystificateur et corrupteur, qu'une teinte subjective et mentale qui nous appartient de résorber en l'écoutant, comme on le ferait d'un goût, ayant la prétention d'être universel, en se reportant à lui, en l'isolant dans sa spécificité, et en le remettant dans notre bouche. En esprit, je serre successivement dans mes bras mon épouse, puis Una. Pour l'essentiel, je ne sens aucune différence, c'est la même femme. Ceci pose une immense et étrange question. Dans ma vie, Una a été un accident radieux. J'ai tout fait pour transformer l'accident en nécessité, mais j'y ai échoué. C'était vraiment impossible. Il semblerait que sur Terre, on ne puisse reproduire par division la radieuse nécessité qu'est une épouse passionnément aimée. Non, la tentative de parthénogenèse n'a pas marché. Jusqu'à la fin de mes jours, je considérerais le fait avec un sentiment de stupeur et d'injustice. Ma femme, ma vraie femme, pourquoi n'est-elle plus une jeune femme ? Un jour, j'ai découvert sur son visage les stigmates de l'âge et j'ai été déchiré. Aujourd'hui, ma vue est menacée. Si seulement j'étais devenu aveugle il y a 20 ans. Je crains que ce cri n'apparaisse comme bien puéril et bien peu sage. C'est un cri et il est humain. Plus une toute jeune femme, non. Nécessité radieuse, sans une ride. Enracinement absolu de ma vie. Le premier de tous les liens qui me soudent à elle est l'amour christique. Mon épouse profonde est une enfant sensible, vulnérable et se sachant mortelle. Cet enfant immatériel, elle aussi, d'une certaine manière, je l'ai tuée. Disant cela, je ne me réfère pas uniquement au coup meurtrier, fissurant que je lui ai porté en la trahissant avec une autre. Femme, je pense surtout à l'océan des occasions que je n'ai pas saisies, de lui dire des choses douces, de lui accorder mon attention, de prendre soin d'elle. Un tel comportement, cela s'appelle l'accompagnement du vivant, et en ce sens, je ne l'ai pas accompagné. Toujours en ce même sens, je n'ai accompagné ni mes filles, ni mes fils, ni mes petits-enfants. À ce manquement au devoir imposé par l'amour, il est d'innombrables explications. Toutes sont excellentes, toutes sont invocables par moi, légitimement à titre d'excuse. Vraiment, pour me dédouaner à mes propres yeux, ce ne sont pas les motifs qui manquent. Et d'abord celui-ci, lié immédiatement à ce que je suis, pour faire court à « je suis ». Quand cette foudre jaillit, elle réduit en cendres les assises séculaires et vénérables de la conscience humaine, n'épargnant aucune de ses normes, pas même le bien, pas même la morale et le devoir. Si curieux que cela puisse paraître, cet holocauste n'a jamais fait même scier chez moi l'œil moral. En fait, il en a, à un point extraordinaire, aiguisé le regard. Si le paradoxe ne m'est pas préjudiciable dans le spirituel, il me place humainement dans un porte-à-faux redoutable, ne pouvant croire au bien, ne pouvant que récuser comme hallucinatoire cette base spirituelle, je ne puis lui demander d'inspirer mes actions et mes choix. Je suis privé, entièrement, dramatiquement, de cet appui universel. Simultanément, c'est à travers une référence cristalline au bien qu'immuablement j'appréhende ma conduite et juge de sa qualité. Cette appréhension ne doit rien ni à ma volonté, ni à ma faculté de réflexion. Elle se met en place d'elle-même. Elle est simplement là. Toujours là. Tôt ou tard, et compte tenu de mon âge, tard risque de signifier trop tard. Il va bien falloir que je me préoccupe de remettre d'équerre en moi-même ces deux intuitions majeures qui me gouvernent. En attendant, je continuerai à avancer dans ma vie d'homme. les yeux dilatés de visions incommunicables et emperlés des larmes qui leur sont dues, en boitant. Oui, mais pas question pour moi de tricher. Éluder mes devoirs, oui. Me sceller les yeux à la défaillance morale, qu'elle se nomme complaisance, cabotinage, non-assistance à l'être aimé en détresse, ou pure et simple trahison de celui-ci, impossible. Je boiterai donc avec rectitude. J'ai envers Una une dette considérable, socialement, culturellement, en termes de civilisation, comment caractériser le type que j'étais quand je l'ai rencontré. Incontestablement, j'appartenais à l'espèce oubliée et apparemment dépassée des gentlemen. Qu'on ne se méprenne pas pour moi un gentleman, ce n'est pas rien. Je n'ai aucunement l'intention de renier ce bel idéal, indéfinissable comme tout ce qui est vraiment important et noble, et que j'estime, en dépit des faits, plein d'avenir. D'ailleurs, comment le pourrais-je, puisque c'est le gentleman, plaisamment blanchissant avec son espèce d'innocence et ses pompes de golf noires et blanches, qui a fait craquer Una. Le gentleman emballait depuis plus de 4 décennies un ado de 16 ans en forme d'étincelle illuminatoire, et vraiment ce papier de qualité était tout ce que quiconque, jamais, avait appris au petit couillon plutôt sympathique, muré dans son savoir intuitif absolu. Una m'a appris tout le reste. Vraiment dommage que notre union n'ait jamais eu une chance de survie. Ma vie personnelle serait devenue une torchère, et sans doute aurais-je fini par devenir un homme. Mon Dieu, comme je te regrette, Una. Nevermore, said the crow.